les rues de leur ville. Le business part en vrille. Le dialogue est armé, mon frère comme en Syrie. Je fais des classiques, préméditer en série. Arrêtez les amalgames et arrêtez ce vide. Les MC sont étroits, mon frère dans le cosmos. J'ai fait mon trou comme une bastos. Pour les torses baignent, les corps saignent, l'assassin craigne. Tu sais, toujours, ça fait clic bang. Je ne parle pas, j'ai chevauché la rue. Coke dans le zen, mon buzz a chevillé la rue. Marié avec le biz, mon frère sans alliance. La vérité sort de la bouche de ces putains de balances. Et je speed, applique ma technique sagique. Implique, implique, les sadiques ont la trique. Quand je rappe, on envoie des pliques. Quand je rappe, on envoie des pics. Ma face n'a d'égal à mes répliques. Bleh. Ne me regarde pas, j'ai commencé en bas. J'ai avancé pas à pas, malgré mes nergas. Malgré le pire, le meilleur y'en a pas. J'ai visé le haut, lâché le meilleur de mes mots. J'ai resserré les taux, frappé comme des taux. J'ai kické les mythos, ne rap pas son pas au niveau. La foi dans mes couplets, contre mes rivaux. Oh oh oh, elle a du cesse. Je ne suis personne, comme Highlander. Kicker ou rimeur, éternel challenger. J'suis trop hoche, bouffé de chaleur. Lunatique, changement d'humeur. Ma sœur de ta vie, est-ce ton homme? Ton mec tout ne sera pas sur Inch'Allah.com. Les débiles débines des rimes créent du Coran ou la Bible, mon frère, genre des abîmes. En moi habite une force qui s'abrite. J'suis une star, eh ouais ma fouf. Prends pas de fouf, nouveau souffle. J'me vois pas crever comme Amy. Ouais Naus, que deviennent ces fameux lanceurs de pétards? Grosse couille atypique, petit bâtard. J'reste le même, avec ou sans clip. Quand le soleil me voit, c'est la méta-éclipse. Ne me regarde pas, j'ai commencé en bas. J'ai avancé pas à pas, malgré mes nergas. Malgré le pire, le meilleur y'en a pas. J'ai visé le haut, lâché les meilleurs de mes mots. J'ai resserré les taux, frappé comme les taux. J'ai kické les mythos, ne rap pas son pas au niveau. La foi dans mes couplets, contre mes rivaux. Oh oh oh, elle a du cesse. Yeah, mais ta production. Aïe aïe aïe. Mais pas le seum, brouillard. Mais pas le seum.